comme un cri. Dans ma vie de brume, deviens mon phare. Je te couvrirai d'un amour rare, sincère et vrai. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Fuis-moi, je t'en prie, je n'en peux plus, je t'en supplie. T'as pas des refus et bats-moi froid, même dans les bons jours. Que je m'ouvre à toi, que je t'aime d'amour. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Fuis-moi, je t'en prie, mon cœur bondit d'être victime. Ta douce fuite fait la naissance de sentiments dont est l'essence l'éloignement. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Fuis-moi, je t'en prie, fais-moi souffrir, tel est mon prix. Pour ça sortir, je marche pas à moins, tu le sais bien. Si c'est navrant, j'en suis conscient. Moi je te suis, mais si tu me suis, t'es fini. Si j'aperçois tes yeux humides avec effroi, je sens que je me vide des sentiments les plus touchants. Suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Au vieil adage, mauvais présage, je me sens piégé, piégé, point lié. Être commun du genre humain fait ma panique d'être identique.